Chapitre 3e. Tout pour elle. Cette nuit est noire comme le fond de l'enfer. Je ne sais où poser les pieds de mon cheval. On n'a jamais vu les amants ni les conspirateurs désirer la lune. Et vous, qui êtes l'un et l'autre, prince de Chalais, vous ne devez pas trouver que la nuit soit trop profonde. Je crois plutôt, mon cher Montmorency, que je ne suis ni l'un ni l'autre. Du moins avec les mouvements tumultueux de la passion. Je donnerai ma vie pour ceux que j'aime. Je les suivrai partout sans regarder s'il y a un précipice sous mes pas. Mais cette ambition dévorante, ces amours mystérieux et terribles qui aiguisent le fer et vivent au milieu des ténèbres, je ne suis pas fait pour les connaître. Une fortune digne de mon rang, auprès de ma mère qui m'a consacré toute son existence, et d'une autre femme à qui je donnerai de si grand cœur toute la mienne, voilà tout ce que je demande. Nous autres, jeunes hommes de province, nous avons plus de cœur que d'ambition, plus de tendresse que de force d'âme, et dans nos désirs, pardon, mon cher prince, si nous étions à discuter en Sorbonne, je soutiendrais volontiers avec vous une thèse sur les différentes tendances de caractère, sur le fort et le faible de chaque nature. Mais nous sommes à minuit, par un temps épouvantable, sur un chemin de traverse qui n'est rien moins que sûr. Pour aller à un rendez-vous de conjurés préparer un coup d'état sur lequel nous jouons nos têtes. Je crois donc que ce qu'il y a de plus sage, c'est de ne chercher à ne pas briser la tête de nos chevaux contre les troncs d'arbres qui nous barrent le passage, et de tâcher de nous expliquer à nous-mêmes ce que nous allons faire et ce qui nous réunit. Je pense que nous le savons tous, jusqu'à un certain point. Je crois que si je vous interrogeais sur ces choses en manière de demande de catéchisme, vous ne seriez pas bien sûr de vos réponses. Ça, voyons, où allons-nous cette nuit ? Chez le prince Gaston, ce me semble, nous concerter sur les moyens de faire sauter l'évêque de Luçon, à cette heure cardinal de Richelieu. Bien, et pourquoi cela ? Parce que Gaston, frère du roi, et la reine d'Autriche, le détestent. D'où vient cette haine ? De la part de monsieur, de ce que le cardinal l'éloigne du roi. Et de la part de la reine ? Le prince de Chalais se taisait. Vous ne dites rien, reprit Montmorency. Je vais répondre pour vous. De ce que Richelieu, enrageant de n'être que l'aumônier de la jeune princesse, se plaît à faire sentir les aiguillons de son arrogance au bel ambassadeur d'Angleterre, qui passe pour plus heureux que lui. Bonheur qui, du reste, ne déplaît pas à monsieur le prince de Chalais ici présent, attendu que le succès de Buckingham auprès de la reine éloigne celui-ci de la duchesse de Chevreuse, à qui... Silence! « Silence, Montmorency !» s'écrit le jeune homme, que le bonheur rendait discret. « Ne dites rien de ces choses, même la nuit la plus noire. Eh, mon ami, les loups ne peuvent pas nous entendre. Et si les étoiles nous regardaient, au lieu de se cacher sous tant de nuages, elles jugeraient que Chalais, si jeune, si beau, si vaillant, ne sera jamais assez mystérieux pour cacher tous ses succès. Mais reprenons l'interrogatoire. Le cardinal mort, qu'en résultera-t-il ? Gaston aura toutes les faveurs du roi, et puis les gouvernements, les beaux duchés de Chartres, de Blois, de Dijon. Et que nous en reviendra-t-il ? À nous ? Eh bien, nous boirons du vin de Bourgogne. Ainsi, de tout cela, nous aurons un sourire d'une femme et un souper si nous sommes en vie. Je vous rends bien des grâces. Alors, Montmorency, pourquoi êtes-vous des nôtres ? Vous ne dites rien. Je vais répondre pour vous. Parce que votre père et votre aïeul ont eu le titre de connétable, et que vous, après vos brillants services, vous l'attendez encore. Injustice qui, vous éloignant du roi, vous jette naturellement dans le parti des mécontents. Peut-être. Mais des lumières un peu plus vives que des feux follets, et des piaffements de chemins fort étrangers à ce désert, m'annoncent que nous sommes arrivés à la demeure secrète du prince. La scène changea subitement. En sortant de ces marais sombres, ruisselant de pluie, on entra dans une suite de pièces resplendissantes de lumière, de dorures, de cristaux et de fleurs. Dans l'une d'elles était dressé un magnifique couvert, et les jeunes partisans de monsieur y étaient déjà rassemblés. C'étaient les deux Vendôme, les fils de Henri IV, les Soissons, les Longueville, le duc d'Elbeuf, le duc d'Épernon, le marquis de la Valette, le comte de Candale, etc. Tous amis de Gaston, parce qu'il était ami du plaisir, parce qu'il comprenait, à l'opposé de son timide et scrupuleux frère, les besoins de la jeunesse, l'épanchement de ses ardeurs, les excuses de ses fautes et de ses folies. Aussi, cette assemblée était plutôt un souper de gais compagnons qu'un foyer de conspirateurs. La bonne chère et la joie étaient le principal but de la réunion. Le coup d'État s'arrangerait ensuite s'il était possible. On commença donc par souper joyeusement, et ce ne fut que vers le dessert que le prince aborda l'affaire difficile. Après quelques mots d'explication en forme d'exorde, Gaston, qui vit sur tous les visages l'assentiment à cette proposition, mit en avant un avis dont voici la substance. Le cardinal était en ce moment à sa maison de campagne de Limours, dans les environs de Fontainebleau. Monsieur organiserait une partie de chasse dans la forêt et feindrait d'aller en passant demander à dîner au prélat dans sa demeure. Là, les gens de la troupe élèveraient une querelle avec les gens de la maison. Les officiers seigneurs s'en mêleraient et dans le tumulte on frapperait le cardinal. « Un assassinat !» dit tristement Montmorency, et la rougeur monta à son front. « Il n'y a pas plus d'assassinat à tuer cet homme qu'à forcer le sanglier qui déborde nos bois, » répondit Gaston. « Nous ferons la chasse au cardinal, voilà tout. Voyons, messieurs, si le cœur vous en dit, c'est décidé. C'est décidé de par le ciel et nos épées. Qui portera le coup destiné au cardinal ?» Il y eut un profond silence. « Eh bien, personne ne répond. » Gaston promena son regard sur le cercle des convives en fronçant le sourcil. « Personne ne répond ? » répéta-t-il. « Eh, Depardieu, ce sera moi. » « Non, mon prince, non !» s'écria Chalet. « Je ne vous laisserai pas vous abaisser au rôle du bras qui exécute. Quand vous devez être la tête qui commande, ce sera moi qui prendrai la vie de Richelieu. »« Voilà ma main, prince de Chalet. Je me souviendrai de ce moment, » dit le frère du roi. « Vive Chalet !» crièrent tous les convives. Et le cristal des coupes qui se choquaient sema de mille feux le vin qui était versé en l'honneur du jeune brave. Au point du jour, les conjurés se séparèrent pour rentrer isolément à Paris ou à Saint-Germain où était la cour. Chalet suivait seul un chemin isolé qui tournait la forêt de Fontainebleau. Un large ravin le bordait et la pluie qui était tombée à flots pendant quelques heures coulait encore au fond de son lit. Comme le jeune cavalier cheminait avec vitesse, le nœud de son épée se détacha, roula sur la pente du ravin et s'accrocha à quelques pieds de l'eau à une ronce du rivage. C'était un nœud de diamant que Valentine lui avait donné. Comme il pensait au moyen de le reprendre dans cet endroit, bien plus bas que sa main ne pouvait atteindre, il vit un homme arrivant derrière lui, sauter dans l'eau qui lui venait jusqu'aux genoux, s'emparer du nœud et remonter avec vitesse. Il crut que c'était un voleur, s'apprêtait à le poursuivre, lorsque celui-ci s'approcha et lui rendit l'objet précieux. « Merci, mon brave, » dit Chalet. Il paraît que vous ne craignez pas de vous mouiller les pieds et de franchir les rochers glissants. On s'exposerait à bien d'autres choses pour approcher du prince de Chalet. » Le jeune homme, se voyant connu, fixa son regard sur celui qui lui parlait pour savoir s'il le connaissait à son tour. La haute taille de cet homme lui sembla bien avoir déjà été remarquée par lui quelque part. Peut-être de l'ombre à forme humaine qui fuyait au point du jour parmi les allées du jardin de Chevreuse. Mais sans s'arrêter à cela davantage, il lui donna plusieurs pièces et continua son chemin. Le rustique château de Saint-Germain découpait sa silhouette irrégulière sur un beau ciel de couchant. À 7 heures du soir, le jardin du château voyait passer par groupes nombreux, ou s'asseoir sur ses élastiques sièges de buis, les personnages les plus remarquables de la cour. Ils attendaient, à l'ombre légère de ces demi-cintres de verdure, l'heure où les grandes salles de la résidence royale allaient s'ouvrir pour le souper et les danses d'été qui devaient suivre. « Voyons, mes seigneurs !» s'écria tout à coup Bassompierre, qui continuait aussi une conversation particulière. « Qui de vous donnerait sa fortune pour la femme qu'il aime ?»« Moi !» s'écrirent en même temps tous les jeunes hommes. « Et vous donneriez également la vie ?»« Je la donnerai !» dirent des voix en moins grand nombre. « Et la faveur du roi ?» Tout le monde se taisait. « Je la donnerai encore, » dit Chalet seul. En ce moment, la façade du château s'illumina d'un éclat merveilleux. Les jalousies ouvertes montrèrent des girandoles de verre de toutes les couleurs, serpentant au milieu des guirlandes de fleurs, dans les salons préparés pour la fête qui s'ouvrait. Les élégants promeneurs prirent tous rapidement le chemin du perron. Deux personnes seulement, au lieu de voler comme des papillons à l'éclat de ses lumières, se dirigèrent vers la partie du jardin où l'ombre de la chapelle obscurcissait déjà les sentiers et où le feuillage ne recevait plus guère que la lueur de la lampe qui s'allumait chaque soir à 7 heures devant la façade gothique. Ces deux personnes s'assirent sur un banc de gazon et demeurèrent longtemps en silence. La duchesse de Chevreuse, absorbée par la tristesse de ses profondes et graves pensées, Chalet par le bonheur d'avoir à apprendre à celle qu'il aimait que ses chagrins allaient être soulagés, que ses plus ardents désirs étaient sur le point de se réaliser. Il avait tout sacrifié à cet amour, sa sûreté, son avenir, l'amitié du roi, la reconnaissance, le devoir. Il était au moment de recueillir le fruit de ce sacrifice, à ce moment enchanteur où l'on dit à l'être bien cher « Voilà ce que j'ai fait pour toi » et où l'on s'enivre du bonheur que l'on donne. Ayant en sa possession cet instant délicieux à passer, il le retardait pour mieux en savourer la douceur. La duchesse rompit ce silence la première et dit d'une voix profondément triste « Henri, vous avez menti tout à l'heure. » « Non, madame. » « Vous vous disiez capable de sacrifier même la faveur du roi à la femme que vous aimeriez. » « Et parce que Louis vous a donné ce hochet, » elle montrait l'ordre du Saint-Esprit, « vous avez oublié le serment que j'ai reçu de vous. » « Valentine, voilà un reproche bien hasardé. » « Ce n'est pas un reproche, oh non, au contraire. » « Vous ne savez pas le bien que vous m'avez fait, plus que je n'aurais pu en attendre d'aucun succès. » « Les injures redoublées de mon ennemi, l'amertume dont il m'abreuve à la cour, la douleur bien plus grande de m'être trompé dans la tendresse que j'avais cru vous inspirer, ce découragement immense qui vous saisit au moment où l'on voit que l'amour sur lequel on comptait comme sur Dieu même n'était qu'une illusion de votre orgueil, un vain mirage de bonheur, tout cela fixait en moi une résolution flottante depuis longtemps. » Je quitte la cour et le monde. » En ce moment, une musique brillante et mélodieuse sortit des fenêtres du château et remplit l'atmosphère. On voyait à travers le feuillage passer le couple de la danse, tout éblouissant de parure et de plaisir. « Écoutez, » dit Chalet, « ce monde vous appelle. Il dit qu'il vous prépare encore son encens, qu'il va vous bercer dans ses bras, plus belle, plus triomphante que jamais. » Vous n'entendrez pas sa voix en vain. » La duchesse de Chevreuse tira un papier de son sein. « Tenez, Henri, approchez-vous de la lampe de la chapelle et lisez cette lettre. Songez qu'elle m'est adressée et qu'elle est la supérieure du couvent des Carmélites. » « Que veut dire ceci, Valentine ?» demanda Chalet en lui rendant la lettre qu'il venait de lire à la hâte. « Que bientôt je vais terminer tous les soucis et toutes les vaines espérances d'une vie dévorante dans le tombeau du cloître. » Chalet fit quelques pas dans les bosquets du jardin et revint à Valentine. Il lui tendit un bouquet de roses qu'il venait de cueillir. « Quand il se serait écoulé autant d'heures qu'il y a de fleurs dans ce bouquet, dit-il, vous serez vengée du cardinal et plus puissante que jamais. Est-il bien vrai? Je vous le jure. Et vous, Henri, vous, mon Dieu, moi je serai mort ou je serai aimé de vous? » Quelques instants après, la duchesse de Chevreuse était au bal du château, le front plus radieux que les diamants de son diadème, et Chalet sur la route de Limours où s'assemblaient les conjurés.